5:35, activation, oral. Dialogue between Mireille and Jean-Michel. You will hear a dialogue between Mireille and Jean-Michel. Listen carefully. You are to learn Jean-Michel's lines. Alors, nous allons inventer une histoire. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Un jeune homme et une jeune fille. Et le prénom de la jeune fille va être... Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Pourquoi ? Parce que c'est un joli prénom. Listen and repeat. Alors, nous allons inventer une histoire. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Un jeune homme et une jeune fille. Et le prénom de la jeune fille va être... Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Pourquoi ? Parce que c'est un joli prénom. Answer. Alors, nous allons inventer une histoire. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Un jeune homme et une jeune fille. Et le prénom de la jeune fille va être... Pourquoi ?